Radio Fribourg, l'invité. Bonjour Philippe Huvillers. Bien le bonjour Mike, bonjour à tous. Et nous poursuivons notre exploration de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec l'invité du mercredi, l'invité de la rédaction. Et s'il est une institution incontournable en la matière dans notre canton, et bien c'est bien l'école des métiers Fribourg. Les plus anciens de nos auditeurs se souviennent de ce qui s'appelait alors le Technicum, qui regroupait également l'école d'ingénieurs. Aujourd'hui rebaptisée, cette institution a pris ses nouveaux quartiers en 2011 sur le plateau de Pérol, dans un bâtiment emblématique. Mais c'est bien à l'intérieur de ces murs que se trouve la richesse de l'école des métiers. Et pour en parler, nous accueillons son directeur, Georges Vial. Bonjour. Bonjour. Georges Vial, vous êtes directeur depuis 1986, alors que l'école elle-même existe depuis plus d'un siècle, 1896, si mes informations sont c'est bonnes. C'est bien ça, oui. La formation professionnelle depuis a beaucoup évolué, des métiers disparaissent, d'autres apparaissent. L'école des métiers Fribourg, c'est une institution en perpétuel mouvement, Georges Vial. Oui, on peut vraiment le dire, parce que c'est une école qui a débuté sous l'impulsion d'un choix politique de créer une structure pour former des apprentis, alors même que la loi fédérale sur la formation professionnelle venait d'être créée pour la première fois. Avant, c'était des corporations qui formaient les apprentis. Et donc, c'était un acte politique de se dire, il faut faire quelque chose. L'industrie était peu présente dans le canton de Fribourg. Et donc, la création de cette école, c'était un peu le ferment nécessaire pour ensuite créer le Technicum. Et c'est le musée des arts et métiers qui a créé cette école. Et puis, 3 ans après, la décision d'ouvrir le Technicum s'est faite. Et c'est resté une école affiliée à ce Technicum, l'école des arts et métiers, à ce moment-là son nom. Elle est restée affiliée pendant plus de 90 ans pour servir de voie d'apport pour que des jeunes puissent faire une formation orientée vers la poursuite des études dans un niveau professionnel supérieur, et elle a gardé cette voie pendant très longtemps. Alors c'est une école, mais il y a quand même une partie duale avec des stages en entreprise. On entendait le nouveau président français dire il faut développer l'apprentissage, chose qui n'est pas vraiment développée en France. La Suisse à ce niveau-là est vraiment pionnière. Alors bien sûr que la Suisse, la presque totalité des apprentis, je dirais, dont on parle lorsqu'on parle du système suisse, c'est le système dual qui est mis en avant. C'est vrai qu'en Suisse romande, on compte beaucoup d'écoles de métiers, beaucoup moins en Suisse allemande. Il y a quelques écoles qui existent en Suisse allemande dans des domaines particuliers. Mais c'est vrai que la Suisse romande, elle avait un peu cette difficulté à la fin du siècle, dans les années 1900, de devoir proposer des formations professionnelles supérieures, mais de pas avoir le tissu industriel. Et donc, souvent, les écoles de métiers ont servi de départ. Elles sont restées plus ou moins présentes. Dans le canton de Fribourg, je dirais que on représente une école assez importante quand même. C'est la deuxième école en volume et en coût, si vous voulez, du point de vue des écoles professionnelles. Mais on a vraiment le sens de proposer des gens formés en complément au système dual. Et surtout pas se mettre en concurrence avec le système dual, mais pallier au manque de place qu'il y a dans ce domaine, notamment en informatique, par exemple, on représente les 2/3 du potentiel de formation, et en électronique, où on représente plus de 90% du potentiel de formation du canton. De la formation à l'école des métiers Fribourg, dont vous êtes le directeur Georges Vial, on y revient d'ici une petite pause, et on vous retrouve juste après. Et cette nouvelle urgente de la route, attention vous qui circulez actuellement dans la Broye, faites attention, nous avons un chien sur la route entre les localités de Fou et d'Avant. Fribourg. Radio Fribourg, l'invité. Journée de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Philippe Huvillers, Georges Vial, directeur de l'école des métiers à Fribourg, et l'intervenant rêver hein, pour nous accompagner aujourd'hui. Effectivement, il nous le disait en introduction, une des écoles les plus importantes, une des écoles du genre les plus importantes en Suisse romande. Georges Vial, précisément le rôle ou l'importance de l'école des métiers dans le paysage de la formation professionnelle aujourd'hui, quel est-il par rapport à la formation duale ou par rapport aux hautes écoles ou l'université ou le collège, le gymnase plutôt? Oui, alors l'école des métiers, elle est une voie de formation assez importante pour des jeunes qui ont envie de faire une formation professionnelle supérieure. Je dirais que ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'école des métiers, qui était une voie d'apport à l'école d'ingénieurs, enfin Technicum, école technique supérieure, école d'ingénieurs et haute école qu'elle est devenue. Cet ADN reste, et c'est une particularité de l'école des métiers que de proposer la maturité professionnelle dans le domaine dans le domaine technique, pardon, sous forme intégrée. Trois filières. On a deux filières je dirais, différentes ou deux sections. Une section qui est à vocation industrielle, avec des formations du domaine de la mécanique, de l'électricité et des machines, les métiers même, comme on les appelle. Donc là, on accueille chaque année 20 automaticiens, 20 électroniciens et 14 polymécaniciens. Et bien sûr, les formes féminines que j'ai pas mentionnées. Mais nous recevons aussi quelques filles dans ce domaine. Et puis, une filière ou une section informatique qui accueille alors deux filières parallèles avec 40 informaticiens par année. Ça représente un potentiel complémentaire au système dual. Dans le domaine électronique, je le disais, plus de 90% de la capacité de formation du canton, c'est l'école des métiers qui l'assume. Dans le domaine de l'automatique, on peut dire la moitié. Dans le domaine polymécanique, on peut dire aussi de l'ordre du tiers à la moitié de la capacité du canton. En électronique, par exemple, les entreprises préfèrent vous laisser former les gens et les engager ensuite ? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que c'est des métiers extrêmement difficiles à former. C'est un des métiers les plus difficiles, je pense. Et puis, il y a relativement peu de capacité à le faire dans des entreprises. C'est des encadrements qui nécessitent carrément le niveau ingénieur pour encadrer des apprentis. Donc, ça a toujours été un métier très, très peu présent dans le canton. Et là, il s'amoindrit même un petit peu. Donc, c'est important que l'école des métiers reste cette voie d'apport. C'est essentiellement des métiers techniques. On dit toujours la technique. Vous parliez avant de. On vous accueillait aussi des filles. Quel est le pourcentage de filles qui suivent l'une de ces deux filières ? Alors, c'est toujours une grosse frustration qu'on a d'être une école essentiellement masculine. C'est vrai que dans les métiers de l'informatique, par exemple, où on peut dire que ce serait vraiment. Un métier tout à fait pertinent pour les filles. On constate une difficulté à recruter en Suisse dans ce domaine. Par manque d'intérêt. On est de l'ordre de 5% pratiquement. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est 50-50, hein, la distribution entre hommes et femmes dans ces domaines. Et c'est un peu une difficulté qu'on a à connaître le pourquoi. C'est une histoire culturelle. Qu'est-ce qui fait que les filles ont moins d'intérêt ? Un collègue avait fait l'expérience à l'école des métiers de Berne d'ouvrir une filière essentiellement destinée aux filles et de le faire que sur la première année, donc de séparer garçons et filles en première année. Et ça avait été une réussite, c'était étonnant, mais malheureusement cette filière n'est pas restée. Mais il semblait sortir de cette expérience que les filles entre elles trouvaient leur repère un peu plus facilement dans ce métier, je dirais, où il faut chercher, il faut trouver, je dirais, les pistes de comment ça fonctionne, le logiciel, la logique. Et il semblait qu'entre elles, ça se passait beaucoup plus facilement que si elles étaient confrontées à une sorte de concurrence avec les garçons. Donc c'est pas le sujet qui rebute, c'est peut-être l'environnement masculin, c'est ça ? C'est peut-être culturellement quelque chose qui doit passer un effet de seuil, je dirais, dans ce domaine. On parlait à l'époque du technicum, alors qu'il regroupait également l'école d'ingénieurs. Avec l'évolution, la révolution technologique 4.0, est-ce que à l'avenir on parlera du numéricum, dans le sens où peut-être les métiers techniques sont un peu peut-être plus en retrait et que de plus en plus c'est la numérisation, l'électronisation qui prend le dessus. Ouais, alors si on parle de l'entreprise 4.0, c'est clair que nos métiers industriels notamment sont tout à fait au front de cette problématique-là et doivent être formés pour le faire. C'est quant à l'appellation numéricum, on se cherche toujours depuis les changements qu'on a subis encore récemment. La désignation de l'école va encore changer un peu, mais je ne crois pas qu'on prendra cette voie-là. Mais c'est vrai que les métiers qu'on a, ils sont confrontés à une évolution très très rapide. Ils sont dans le besoin d'avoir, je dirais aussi, le soutien de notre canton pour avoir des équipements qui sont à jour. Si on prend l'entreprise 4.0. Vous ne pouvez pas avoir des équipements qui ont 15 ans ou 20 ans et entrer dans cette dynamique-là. Alors justement, la révolution se poursuit. Est-ce que c'est l'école des métiers qui appréhende les changements technologiques ou est-ce que c'est plutôt les entreprises qui vous dictent ce que vont être demain les nouveaux métiers ? Alors, c'est une particularité suisse que de confier, je dirais, la définition des métiers aux organisations du monde du travail, qui sont des organes fêtiers au niveau national. C'est une des forces du système dual suisse que d'impliquer les entreprises dans la définition et de les mobiliser dès le début dans cette voie. Mais c'est vrai que ça a un petit défaut, c'est que c'est peu prospectif. Ça empêche un petit peu de se projeter dans le futur. On a une définition qui se fait en fonction des besoins, je dirais, proches et pas très distants. L'autre difficulté, c'est que les organisations du monde du travail, elles sont confrontées au fait qu'il y a des grandes entreprises, des très grandes entreprises et des toutes petites, et que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, en tant qu'école, on a une certaine latitude de jouer dans ce cadre des plans de formation et des choses qui sont définies par les milieux du monde du travail. Mais c'est vrai qu'on se doit d'être toujours, en tout cas, up to date, je dirais, sur les éléments qui y figurent. Bon, les systèmes sont quand même confrontés au fait que les organisations du monde du travail doivent tous les 5 ans réviser les plans de formation. C'est une bonne chose. Avant, il fallait énormément de temps pour changer un règlement d'apprentissage. Maintenant, l'évolution est quand même beaucoup plus rapide. Georges Vial, directeur de l'École des métiers Fribourg. On vous retrouve juste après 8h30 pour poursuivre cet entretien autour de la formation professionnelle à l'École des métiers. Radio Fribourg, l'invité. Et aujourd'hui, journée intercantonale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Philippe Huller, vous avez bien choisi votre invité de ce mercredi. Hein. Et il s'appelle Georges Vial. Il est directeur de l'École des métiers Fribourg depuis 1986. Georges Vial, on a parlé tout à l'heure de l'environnement, de l'importance de l'EMF dans le paysage de la formation professionnelle. J'ai envie de vous demander le profil type d'un apprenti à l'École des métiers. C'est quelqu'un qui va de toute façon se destiner à une maturité professionnelle. Oui, alors l'École des métiers, elle offre, de par son histoire, cette idée d'adjoindre la formation aux maturités professionnelles intégrées à l'apprentissage, ce qui place la barre un petit peu plus haut en termes d'engagement pour les apprentis, en termes de travail à fournir, parce qu'effectivement, la maturité propose des cours de langue, des cours de sciences, des cours de mathématiques bien plus étoffés que les programmes de l'apprentissage. Et donc, ça place un peu la barre un peu plus haute que la norme. Bien sûr que la maturité intégrée n'est pas obligatoire à suivre tout au long de l'apprentissage, mais la première année, en tout cas, l'apprenti est confronté à cette situation. S'il dit « je veux sortir du cursus après le CFC », vous ne l'engagez pas, vous ne le prenez pas ? Alors, s'il veut sortir du régime de maturité, c'est son droit le plus légitime, mais ça ne sera pas du tout un critère. D'accord. Par contre, c'est clair que le test d'admission qui se compose d'une évaluation, je dirais, au travers d'un stage, notamment, c'est la partie la plus importante. L'apprenti passe, ou le candidat passe 2 jours et est suivi de manière assez soutenue par les enseignants de l'École des métiers. Pendant ces 2 jours, il a aussi un entretien qui travaille sur sa motivation ou qui essaye d'évaluer son intérêt, sa connaissance et sa motivation pour le métier. La maturité, elle va lui être proposée, mais s'il veut en sortir en cours de route, c'est tout à fait légitime. Même lors de ces 2 jours de cours, il dit « je veux faire un CFC d'informaticien, mais après je m'en vais ». S'il a les capacités, je dirais, qui sont bonnes et qui sont reconnues, c'est son droit et on n'en fera pas un obstacle pour lui. Alors, en général, si j'ai bien lu sur votre site internet, il y a 3 ans vraiment de formation théorique dans les filières, et puis la 4e année est vraiment dévolue au stage. Comment ça se passe ? C'est l'entreprise qui cherche des stages, voire même à l'étranger, hein, il y a des possibilités de stages à l'étranger. Est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que l'École des métiers qui fait la démarche auprès des entreprises, ou est-ce que ce sont les élèves eux-mêmes qui doivent le faire ? Alors, l'École des métiers, elle s'est organisée depuis 2006 comme une école qu'on peut appeler école stage. On ne trouve pas de meilleur mot pour la décrire. Mais avec les milieux industriels et économiques, un travail a été fait pour définir justement des partenariats de formation, pour ouvrir l'école à justement servir mieux les besoins des entreprises. Et notamment, la partie stage a été quelque chose de totalement nouveau à intégrer dans l'apprentissage. Alors, l'apprenti, dans les 3 premières années, il va suivre à la fois les cours de maturité intégrée qui vont aussi se terminer à la fin de la 3e année, ainsi que l'enseignement de culture générale s'il n'est pas dans le régime maturité. Et puis, les 3 premières années sont organisées sous une forme modulaire. Et c'est une exclusivité en Suisse que d'organiser toutes les formations sous cette forme. C'est-à-dire que les apports théoriques vont être associés aux travaux pratiques de façon à ce qu'ils aient beaucoup de sens pour l'apprenti et que l'apprenti puisse acquérir des compétences avec des apports de connaissances au bon moment. Dès qu'on passe en quatrième année, c'est cette année qu'on appelle phase de professionnalisation, c'est un petit peu quitter le régime scolaire, contrer les défauts inhérents à un système scolaire. Là, on quitte le régime le prof et 20 apprentis hein, dans les ateliers. Et là, c'est la démarche d'aller se frotter à une entreprise, d'aller passer 4 mois dans une entreprise. Chaque apprenti va faire un stage de 4 mois en entreprise. Et puis, chaque apprenti va travailler sur des projets que l'école porte au travers d'une structure sur 4 mois également. Celui qui peut faire un stage à l'étranger, ça c'est une option qu'on a ouverte en 2006 aussi, parce que la difficulté, c'est de ne pas démobiliser les entreprises locales du système dual. Ce serait très satisfaisant d'accueillir des apprentis formés seulement pour la quatrième année et finalement de se démobiliser de la formation duale. Donc on a restreint notre couverture, je dirais, des besoins dans la région en allant chercher un peu plus loin, en Suisse, voire à l'étranger. Et donc là, les apprentis sont confrontés à des places que l'école recherche. Dans certains cas, certaines opportunités peuvent se présenter qu'un apprenti par sa famille, par ses connaissances, connaît une entreprise dans laquelle il aimerait faire un stage. Et à ce moment-là, ça passe par un processus de validation qu'on doit faire pour concrétiser un contrat de stage pour cette durée de 4 mois. Vous le disiez en première partie qu'il y avait quand même un bon lien avec les entreprises qui, elles, peut-être définissent aussi les nouveaux métiers à venir quand les associations professionnelles découvrent les besoins d'une telle branche. Mais par rapport au stage, d'abord pour le terreau peut-être régional, fribourgeois, voire roman, est-ce que vous avez un bon accueil auprès des entreprises qui se prêtent volontiers au jeu de ces 4 mois de stage? Oui, alors on a un excellent contact avec ces milieux. Il faut dire qu'on est interfacé de manière très, très pertinente avec les milieux économiques et industriels. Alors on a notamment un organe qui est aussi un peu exceptionnel dans une école de métier. On a un conseil, une commission d'école, pardon, qui regroupe les milieux économiques, industriels, notamment un représentant de la Chambre du commerce, un représentant de l'Union patronale du canton de Fribourg, un représentant du groupement industriel fribourgeois, un représentant de la haute école, le directeur de l'école d'ingénieurs, et moi-même, et des milieux syndicaux qui sont représentés aussi pour la défense de l'intérêt des apprentis. C'est un peu dû au fait que cette commission d'école, elle est apparentée à une commission d'apprentissage spécifique à l'école des métiers et que la parité des représentations est voulue. Alors ça nous donne une interface, je dirais, directe et permanente avec ces milieux-là qu'on sert, avec les gens qu'on forme, soit qui rentrent directement sur le marché du travail, soit qui font des études d'ingénieur et qui ensuite rentrent sur le marché du travail. Et puis chacune des sections a encore un conseil de pilotage qui dépend de cette commission d'école et dans laquelle on retrouve de nouveau les milieux associatifs, l'école d'ingénieurs à chaque fois et des industriels qui sont présents. Ces organes valident les programmes de formation, l'organisation de notre formation ainsi que la charte des partenariats industriels avec lesquels on travaille. Et donc, pour les entreprises, on est un petit peu à retenir la bride sur le coup pour ne peut-être pas servir trop facilement des stagiaires pour éviter justement une démobilisation du système dual. Et puis par contre, l'opportunité d'aller à l'étranger, ben, c'est une opportunité qui concerne à peu près 40% de nos apprentis qui vont faire 4 mois dans une entreprise à l'étranger. Alors précisément, il y a des programmes Rodisée, Erasmus. On sait que la Suisse est sous pression depuis le vote sur l'immigration de masse. Est-ce que vous l'avez senti depuis 2014? Peut-être moins grande possibilité d'envoyer vos étudiants dans les pays voisins? Alors, depuis 2007, on a des stagiaires qui allaient faire des stages dans les programmes européens Leonardo da Vinci. C'était avec le soutien du secrétariat à l'éducation et la recherche. C'était un peu une exception parce qu'on était avec des apprentis en cours de formation. On était tolérés dans les systèmes européens ainsi. Depuis 2013, on était vraiment dans le programme complet comme partenaire. Et là, ça a été notre première riche expérience de se lancer avec quelque chose qui était structuré par nous et non plus traité individuellement par les requêtes des entreprises. C'était beaucoup plus facile de synchroniser, je dirais, les actes de formation et les périodes de stage qu'auparavant. Bien sûr qu'en 2014, on était extrêmement frustrés, mais on a maintenu le cap, on a essayé de rester zen pendant cette période un peu difficile. Heureusement, la solution Erasmus+, solution transitoire, a été proposée par le Conseil fédéral. On a tenu bon et on est toujours très actifs dans ce domaine. Donc pour l'instant, il n'y a pas de frein à cette possibilité de stage à l'étranger. Je dirais que les freins, les Européens sont très étonnés de nous voir continuer. C'est vrai qu'on n'a plus la possibilité d'accueillir facilement des étrangers qui viennent dans les programmes Erasmus, en tout cas. Eurodyssée, c'est un programme qui est un peu différent. C'est pour des gens qui ont déjà une certification diplômante, si vous voulez, ou plutôt une certification professionnalisante, qui ont entre 18 et 30 ans et qui vont de région à région faire un stage. La durée, elle est de 3 à 7 mois. Et là, dans le contexte fribourgeois, on est plutôt avec un accueil plus important de stagiaires qui viennent que de fribourgeois qui partent. C'est avec l'Europe des régions. Hein. C'est l'Europe des régions, l'Assemblée des régions d'Europe. Et là, notre rôle, c'est un peu de les placer dans les entreprises. Donc, de nouveau, nos bons contacts que l'on a avec les milieux industriels et économiques nous permettent de trouver assez facilement les places de stage. On évite toutefois de prendre des stagiaires dans les mêmes métiers que l'école forme, parce qu'on reposerait de nouveau un petit peu le problème. Georges Vial, on le sait, les entreprises ont des grands besoins aujourd'hui en matière informatique, en matière électronique. Est-ce qu'une formation à l'École des métiers Fribourg dans ces filières précisément, puisque vous représentez dans certaines filières jusqu'à 90% de la formation, est-ce que c'est une garantie d'embauche à la sortie de l'École des métiers ? Alors, on peut jamais parler de garantie absolue d'embauche. C'est clair que les compétences qui sont formées ou qui sont développées par la formation s'appuient aussi sur des compétences personnelles. Et je dirais le paquet complet fait, le profil qui va être proposé aux entreprises. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'avec la non-entrée immédiate d'une grande part des apprentis qui viennent à l'École des métiers et qui donc s'engagent dans une formation supérieure, au niveau ingénieur, les besoins sont tels qu'il n'y a aucun problème. C'est vrai que si on prend le cas du métier d'électronicien, il y a peu de places de formation d'apprentis dans le canton, dans le système dual. Il n'y a pas non plus énormément de places de travail comme électronicien. Donc on peut dire que c'est un métier dans lequel la voie doit être tracée d'aller plus loin. Il n'y a pas vraiment beaucoup de postes de travailleurs, d'électroniciens avec un CFC seulement dans la poche. Georges Vial, directeur de l'EMF, vous êtes notre invité ce matin. On se retrouve d'ici quelques instants, juste après une petite pause musicale signée Phil Collins. Radio FR. Radio Fribourg, l'invité. Encore quelques petites minutes à passer avec notre invité du mercredi, Philippe Hulidaire. Effectivement, notre invité Georges Vial, directeur de l'École des métiers Fribourg. L'École des métiers Fribourg qui dépend de la direction de l'économie et de l'emploi. Georges Vial, quelle est la part d'autonomie finalement que l'école a par rapport à la direction de l'économie ? Bon, l'école dépend de la direction de l'économie. C'est vrai qu'en Suisse, c'est encore des cas aussi assez uniques que d'avoir la formation professionnelle qui dépend de l'économie. Mais au niveau fédéral, c'est ce lien qui existe, donc on peut dire qu'on est cohérent. En termes d'autonomie, on peut dire qu'on a une relativement grande autonomie en ce qui concerne les aspects de l'organisation de la formation, mais bien sûr avec les responsabilités qui vont avec. Donc l'école s'est adaptée, a eu la confiance de la direction de l'économie pour devenir une école organisée sous forme modulaire, proposer l'implémentation de travail sur des projets avec du chiffre d'affaires qu'on fait. On est un contributeur TVA aussi en tant qu'instance de l'État, c'est aussi assez rare. En ce qui concerne bien sûr la gestion des RH, je ne vais pas parler des Calex, mais effectivement on est aussi contraint de suivre les règles et on peut dire que la gestion des RH, l'autonomie est assez faible. Mais les règles en termes de définition des profils que l'on peut engager sont définies même au niveau fédéral. Donc, ce n'est pas la question de se détacher des typologies des gens qu'on doit enseigner. Mais c'est vrai que là, l'autonomie est assez faible. On n'est pas autorité d'engagement, c'est le conseiller d'État qui engage. Vous êtes consulté quand même. On préavise l'engagement. En ce qui concerne par contre les moyens, les ressources financières, bien sûr que j'en parlais tout à l'heure, les équipements, les métiers conformes, c'est des métiers qui doivent bouger, on n'est pas si facilement à gérer ceci. Le cadre budgétaire est un carcan quand même assez difficile à gérer. Actuellement, on est en train d'essayer de faire passer justement un décret pour les investissements importants dans le domaine industriel, notamment pour se détacher un petit peu des contraintes budgétaires du jour. Si en fait. Alors justement, pour revenir à la relation entre la politique et l'économie et l'école, pardon, en 2009, vous aviez accueilli dans votre giron l'EMAF à l'époque, qui est devenue l'EICON, donc l'école de multimédia. Média et d'Art de Fribourg, qui est devenue ECON. Et puis, cette école est finalement revenue dans un giron très... Enfin, s'est séparée finalement de l'école des métiers. Quelle a été la raison finalement de cette séparation ? Bon, je crois que le rattachement de cette école privée à l'école des métiers est une très très bonne chose durant ce laps de temps quand même relativement court, peut-être un peu court, mais disons ça a permis de structurer les choses, de bénéficier un petit peu de la dynamique de l'école des métiers qui était en pleine mutation pour devenir une école stage et puis qui avait un petit peu expérimenté ses pratiques pour qu'elle se rattache ou se mettre dans la même forme. Donc on peut dire que ECON, cette section de l'école des métiers qui est devenue une filière quand même assez importante de l'école des métiers dans le domaine art appliqué, elle a pu prendre un petit peu de cet ADN école stage que l'école des métiers met en place. Le détachement, c'est un peu une volonté à la fois un acte politique quand même de dire comme les autres cantons l'ont fait. On a une école dans le domaine des arts appliqués parce que Fribourg faisait un peu un amalgame de techniques et arts. Et d'ailleurs, le nom de l'école actuellement, c'est encore École des métiers techniques et arts Fribourg, qui avait été adapté pour ce faire. C'est tout d'un coup quand même de redéterminer que technique et art appliqué, c'est deux choses. Il y avait l'opportunité aussi de la mise en place de la nouvelle maturité du domaine design et art visuel, qui devenait une composante aussi qu'il fallait détacher de l'école professionnelle artisanale et industrielle pour le rattacher à l'école des métiers. La question était, est-ce que c'est la section maturité de l'école des métiers ou bien la section propre à ECON qui le faisait? Et je crois que finalement, la création de cette école maintenant des arts appliqués, ça a à la fois un choix politique et à la fois un choix d'opportunité. Que vous ne regrettez pas ou que vous regrettez? Que je regrette pas forcément, c'était une bonne chose qu'elle soit intégrée, ça donnait une masse critique importante à l'école des métiers à ce moment-là. Le détachement, bien sûr, nous met un petit peu dans une situation d'être un petit peu maigrichon du côté du personnel administratif de part et d'autre de ces deux écoles. Mais c'est un peu la règle du zéro poste dans le domaine administratif pour l'État. Georges Vial, ce nouveau bâtiment, vous l'avez inauguré en 2011 sur le plateau de Pérols. Il y a d'autres lieux où vous êtes aussi actif, hein, l'école des métiers, notamment Villa Saint-Pierre. Mais est-ce que ce bâtiment satisfait à vos besoins aujourd'hui? Alors personnellement, je suis très très satisfait de ce bâtiment qui recueille beaucoup de prix architecturaux notamment et qui donne une très très forte identité à l'école des métiers. Auparavant, l'école des métiers, on savait pas trop qu'elle existait. On avait toujours cette référence du bâtiment du Tech qui restait, mais l'école a vraiment une place ici qui est bien. Le concept Minergie du bâtiment, ben, satisfait un tout petit peu moins le personnel administratif notamment, parce qu'on n'a pas pu gérer différemment la dynamique ou la thermodynamique du bâtiment. Et vu que c'est un bâtiment qui est rafraîchi, réchauffé, avec des effets, je dirais, de stockage thermique, le personnel administratif souffre un peu des périodes fraîches qu'il y a dans nos locaux. Mais mis à part ça, on est très très content de ce bâtiment qui donne une forte identité à l'école des métiers. Georges Vial, très brièvement, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais parler un tout petit peu en deux mots. Vous êtes aussi un homme, on a parlé beaucoup de l'école des métiers, mais vous êtes aussi quelqu'un qui avait une passion, la moto. Vous allez bientôt partir pour un périple assez intéressant. Deux mots là-dessus, ce sont les plus hautes routes du monde que vous allez sillonner à moto. Voilà, c'est pour mes 60 ans, j'ai décidé de m'offrir un cadeau un peu particulier que peut-être je pourrais plus faire après. C'est effectivement d'aller sillonner les routes de l'Himalaya et notamment les cols les plus hauts du monde qui sont carrossables. Jusqu'à 5600 mètres. Alors mon médecin cet après-midi me dira si tout est ok de mon côté pour que je puisse partir, mais je l'espère bien et en tout cas la volonté y est et puis l'envie surtout. On vous souhaite en tout cas un très beau périple, une bonne continuation à la tête de l'école des métiers Fribourg et on vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Georges Vial. Merci beaucoup, belle journée à vous. Merci, belle journée aussi à vous. Et visitez en tout temps la page de l'invité du mercredi sur radiofr.ch avec la galerie photo et avec les podcasts évidemment. Radio FR.